On m'a dit, faut que tu réussisses. Et que les barrières c'était pour grimper. Que la vie on te la donne, ensuite faut la mériter. On m'a dit, tu peux faire confiance aux armes, mais pas à celui qui la tient. Ils ont fait couler beaucoup de larmes, ils s'en servent pour leur bien. La soif de l'argent et leur magouille politique minable. On m'a dit fais pas le fier, y'a toujours plus fort que toi. Respecte les anciens et la sagesse t'apprendra. On m'a dit fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. On m'a dit que la route tourne tellement que des fois elle se casse. On m'a dit fais gaffe à ton ombre, souvent c'est pas la tienne. Peut-être celle d'un autre qui tuerait pour garder la sienne. On m'a dit que la vie est courte, alors je prends que les bons moments et j'oublie quand je souffre. On m'a dit fais pas confiance aux hommes, fais pas confiance aux femmes. Wow, on m'a dit fais confiance en toi, il faut bien que tu réussisses. On m'a dit fais pas confiance au trône, fais pas confiance aux lois. Wow, on m'a dit tellement de choses, faut que je me pose et que je réfléchisse. On m'a dit que les gens riches vivaient sur la même planète, marchaient sur la même terre que nous, mais y a toujours la famine. On m'a dit que c'est les pauvres qui donnent le plus. On m'a dit vaut mieux avoir un cœur qu'un coffre plein des thunes. On m'a dit y a que les efforts qui récompensent. Être fort dans sa tête est la plus grande des armes, je pense. On m'a dit ça sert à rien d'être costaud, si tu sais pas te battre, tu peux vite finir à l'hosto. On m'a dit que derrière les belles choses, il n'y avait pas un bon fond. Que la plupart des politiques étaient victimes dans leur enfance. On m'a dit que l'argent était la prison humaine. L'État a construit les murs et les banques nous ont mis des plafonds. On m'a dit n'arrête jamais de rêver, même quand tu seras vieux. Un jour tu pourrais ne pas te réveiller. On m'a dit que l'espoir fait vivre, alors je suis dans l'espoir qu'elle soit mieux. On m'a dit fais pas confiance aux hommes, fais pas confiance aux femmes. Wow, on m'a dit fais confiance en toi, il faut bien que tu réussisses. On m'a dit fais pas confiance au trône, fais pas confiance aux lois. Wow, on m'a dit tellement de choses, faut que je me pose et que je réfléchisse. On m'a dit fais pas confiance aux hommes, fais pas confiance aux femmes. Wow, on m'a dit fais confiance en toi, il faut bien que tu réussisses. On m'a dit fais pas confiance au trône, fais pas confiance aux lois. Wow, on m'a dit tellement de choses, faut que je me pose et que je réfléchisse.